à 50. En lit, je m'éclate pendant que maman s'inquiète. Je roule un joint de skunk, odeur de 5 plantes. Je redémarre le stunt pour tourner 5 ans. Et c'est sec, j'entame un contrôle. Ils cherchent la barrette, mais c'est décongelé. Ils veulent me faire, non mais arrête. C'est si mal trop chaud, je vais les décongeler. Un de tête dans le temps du walkie. Le jour 1 dit t'es mort, si on voit tu voles quoi. Température volcan. Et ceux-là ils veulent quoi, par au nouvelle camp. Et j'fume la Silver Star. Si ça en baisse trop, vas-y va-t'en. Le SS faut qu'il siffle à temps. En 4 descente, il met les 6 vatères. Renfort, là y'a 6 voitures. Moi j'les mecs cachés tous vos terres. De mes potes j'ai fait 6 fois le tour. Et pour quelques-uns gros j'ai plus trop le temps. Là j'complote avec Rally. Le père MJ bientôt on fait le dérapage comme on rallye. Mais pour l'instant j'râlais. Y'a que les voisins au direct qui nous apprennent comment râler. Toujours au top du top. Pour toi bientôt le top du flop. C'est ça rien que tu top. Salope, je suis au top du flow. 22, y'a les flics qui tournent. C'est marrant, y'a les petits qui courent. Bizarrement, plus personne qui refourgue. Roue arrière dans la cité. Les bikers entrent la table pour leur amener la citerne. Ouais, je me suis fait inciter. Écoute un son de moi et je te pique un petit thème. T'es trop fort du typo, je pourrais te taper 10 fois et après ça on dit fin. Petit tout le monde se dit beau, après ça ça dit pas que ça veut devenir typo. Moi sinon, ma gueule rien de bien, mais bon disons. Que rien ne tient, donc ils vont ces 10 bouts. Fini les potes à 10 bouts. Mais quand ça se fait qu'on sait pas à 10 potes. Tu sais qui c'est à qui le fou. Si je crie plus, y'a moi et mes 10 potes. Mal trop chaud là. C'est que la une, hein.